Le musée du Quai Branly Jacques Chirac vous propose de découvrir les chants mystiques des bardes du Bengale du 12 au 14 avril. Dans ce spectacle inédit en France, la chanteuse Parvati Ball compte, chante, danse et joue des instruments traditionnels des musiciens itinérants indiens. Le spectacle Ball et Alpona vous donne rendez-vous au théâtre du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Informations et réservations sur quaibranly.fr. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. La parole est à George R.R. Martin, l'auteur du Trône de Fer, la saga romanesque qui a inspiré la série Game of Thrones et qui explique que parler de guerre de manière honnête implique parfois de sacrifier les héros. Je ne parle pas de guerre dans tous mes livres, mais si je dois écrire sur la guerre, d'ailleurs si n'importe quel écrivain doit écrire sur la guerre, alors je veux que ça soit fait de manière honnête. Et il y a une chose que je sais de la guerre, grâce à ceux qui ont fait le Vietnam ou d'autres guerres, c'est qu'elle fait ressortir la bête chez l'homme, et que n'importe qui peut mourir. Peu importe si vous êtes le héros, je pense que tous ceux qui sont morts à la guerre pensaient être un héros jusqu'au moment où une balle leur a fait sauter le crâne. Dont acte, voici l'une des scènes les plus violentes de la série. Après trois saisons qui mettent en scène la famille Stark, dont le père a été décapité dès le premier épisode, une partie de cette famille est assassinée lors du mariage qui devait unir Robb, le fils aîné, et sa femme déjà enceinte et bientôt morte. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette série d'émissions consacrée à Game of Thrones, en partenariat avec le hors-série de Philosophie Magazine, voici l'horrible extrait des Noces Pourpres. Your Grace, I feel I've been remiss in my duties. Votre Majesté, j'ai le sentiment d'avoir été négligent quant à mes devoirs. Je vous ai donné de la viande, du vin et de la musique, mais je ne vous ai pas témoigné l'hospitalité que vous méritez. Mon roi s'est marié et je me dois d'offrir à ma nouvelle reine un cadeau de mariage. Robb ! Lord Walder ! Lord Walder, assez ! Que cela cesse ! Je vous en prie, c'est mon fils ! Mon premier-né ! Laissez-le partir et je jure que nous oublierons cela ! Je le jure par les anciens dieux et les nouveaux, il n'y aura pas de vengeance ! Vous aviez déjà juré quelque chose ici même, dans mon château. Vous aviez juré par tous les dieux que votre fils épouserait ma fille ! Prenez-moi comme otage ! Et pour quelle raison le lui permettrai-je ? Sur l'honneur des Tully, sur l'honneur des Stark, laissez-le partir, ou je trancherai la gorge de votre femme. Je m'en trouverai une autre. Mère. Les Lannister vous saluent bien. Bonjour Sam Azulis. Bonjour. Bon courage pour prendre la parole sur ce bain de sang. Merci. On appelle cet extrait les Noces Pourpres, c'est un euphémisme, hein, parce que c'est vraiment un carnage insoutenable à regarder. Mmh. C'est très très sanglant cette affaire, et ça nous met tout de suite dans le bain, si je puis dire. Mais à la fois, je pense que c'est un moment qui a marqué les téléspectateurs de façon extrêmement puissante. On a vu même des vidéos de gens qui regardaient cette séquence, qui étaient tellement effrayés qu'ils détournaient le regard ou qui juraient de ne plus jamais regarder la série de Martin. Mais plus sérieusement, ça nous renvoie, je crois, à ce que Martin propose dans cette série, qui est en fait évidemment une série, il le dit lui-même, de fantasy épique. Donc Martin est l'auteur du livre, voilà, qui a participé au scénario de la série télévisée. Au début, en tout cas, dans les premières saisons. Et il dit que toutes ces histoires, même si elles relèvent de l'imaginaire, de la fantasy, sont toutefois inspirées par l'histoire, fondées sur l'histoire, et que dans l'histoire, eh bien, les véritables méchants, ce ne sont pas les orques, ce ne sont pas les seigneurs du mal, mais nous-mêmes. Donc, il s'inscrit aussi dans un écosystème télévisuel, de nouvelles séries télévisées qui, on l'a remarqué depuis des séries comme 24 avec Jack Bauer, ou évidemment Dexter, ou encore Breaking Bad, qui est peut-être la série par excellence, où précisément la boussole axiologique, morale s'affole. Breaking Bad, c'est un homme qui est très sympathique aux yeux, voilà, des spectateurs, qui découvre qu'il a un cancer et qui devient un dealer de drogue, oui, c'est ça, c'est connu dans toute la région. Et surtout qui prend goût, c'est-à-dire que c'est un professeur, un petit professeur de physique qui n'a pas l'air très menaçant et qui devient un véritable caïd. Dexter, c'est un psychopathe. Jack Bauer, c'est le patriote idéal, mais qui torture à tour de bras. Donc, toutes ces valeurs-là sont complètement chamboulées. Et donc, c'est une nouvelle génération de séries qui sont pas amorales, parce qu'il est toujours question de morale, pas immorales non plus, parce que d'une certaine manière, le but n'est pas de promouvoir une morale déviante, mais de questionner la morale elle-même, de questionner nos valeurs. Et je pense que Game of Thrones s'inscrit dans cet écosystème-là, avec ce luxe qui est d'avoir une arborescence de personnages démentiels, et donc de pouvoir en sacrifier pas mal dans ce mouvement-là véritablement effrayant qu'est celui de la série. Alors, peut-être l'autre élément qui me paraît très intéressant, c'est cette actualité de Game of Thrones, parce que ça parle à tout le monde s'y intéresse, tout le monde se dit waouh, je veux pas rater un épisode, je veux voir la série, même si c'est difficile, même si on jure de ne pas la revoir, on va quand même tout le monde y retourner. Je crois qu'on compte quoi, 17 millions de téléspectateurs la dernière saison. En tout cas, c'est la série sans doute une des séries les plus vues et en tout cas la plus piratée du monde. Donc ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde. Pourquoi elle nous correspond tant, c'est parce qu'elle fait écho aux mutations du temps présent, parce que elle fait écho aussi au principe d'incertitude qui régit ces mutations. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On assiste à un retour, en quelque sorte, vers l'état de nature. C'est soit la tyrannie, soit la guerre civile. Il y a le fanatisme, les exécutions sommaires, les immigrés clandestins, les frontières tragiques. Enfin, tout y est. Mais en même temps, le centre de la série me paraît être la tension entre des forces réactives, qui sont des forces du repli sur soi, l'obsession de la pureté du sang, cette mentalité clanique, l'entre-soi des grandes familles nobles, qui est une parfaite image en fait du communautarisme ou du réflexe identitaire d'aujourd'hui, et qui nous parle profondément, parce qu'on vit dans un monde qui est profondément inégalitaire, et finalement on peut avoir le sentiment que le pouvoir c'est une affaire de famille, une affaire d'entre-soi, en tout cas d'oligarchie, et que la démocratie n'est qu'un paravent pour maquiller tout ça. Donc ça renvoie véritablement à des inquiétudes, je pense presque démocratiques des spectateurs, et qui expliquent aussi peut-être le regain d'intérêt fâcheux pour les autocrates virils que certains peuples peuvent avoir aujourd'hui. Il y a ce fond-là. Et en même temps, il y a en face des protagonistes qui incarnent les forces progressistes, c'est-à-dire qui tentent de faire sauter le carcan, ce carcan très très pesant, et ce sont tous des personnages marginaux. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils veulent défendre des valeurs, qui sont des valeurs humanistes, et vous avez Tyrion, qui est le nain machiavélien, il y a Daenerys, qui est l'émancipatrice des peuples opprimés, qui utilise sa puissance de feu pour faire fondre les chaînes, en quelque sorte. Vous avez Jon Snow, qui est une sorte de pacificateur, qui fait des alliances impossibles, et dans une moindre mesure, vous avez d'autres petits personnages, comme Jaime, Arya, Sansa, qui eux aussi font l'expérience de l'altérité, qui eux aussi se transforme. Et je pense que le grand mérite politique de Game of Thrones, c'est de nous dire vous croyez que le monde est pourri, qu'il n'est que corruption, que violence, que complot, et vous avez raison peut-être, mais ceux qui défendent les valeurs humanistes ont sans doute encore plus de mérite à le faire à cause de cela. Vous avez écrit, Sam Azoulis, un ouvrage qui s'appelle Philosopher avec Game of Thrones, qu'on trouve aux éditions Ellipse. Vous êtes philosophe, cinéaste, professeur de cinéma à New York University à Paris. Vous étiez déjà venu à ce micro il y a quelques années nous parler de Stanley Kubrick. Et en fait, passer de Kubrick à Game of Thrones montre bien que pour vous, si l'intérêt pour Game of Thrones est tel qu'il vous conduit à écrire un livre alors qu'avant vous écriviez sur Stanley Kubrick, c'est qu'il est vraiment énorme. Et ce que vous dites, c'est qu'en fait, le détour par la série, le détour par la fantasy, ce genre romanesque qu'est la fantasy, c'est finalement peut-être la manière la plus rapide de parler de notre monde. Oui, j'en suis convaincu. Mais je crois aussi que ce qui est intéressant, c'est l'équilibre qu'a trouvé Martine entre le monde imaginaire, le monde de fantasy, et cette actualité-là qui sourd derrière en fait tous ces engrenages. Parce que on peut parler aussi très rapidement du générique qui est fabuleux, qui a été créé par Angus Wall, le bien nommé, ouais. Et donc qui nous présente un petit peu tous ces lieux emblématiques et toutes les héraldiques. Donc il lie en fait la politique avec la topologie ou la topographie des lieux. Effectivement, on a le beaucoup... voilà, vous en parlez, le voilà. Ah bah le voilà. Allez-y, si on vous voulez. On a beaucoup parlé du réalisme de Game of Thrones, effectivement, qui fait référence au Moyen-Âge, qui fait référence à l'Antiquité, à la Renaissance. Et c'est vrai qu'on a plus l'impression d'être dans la cour des Valois ou des Médicis, des Lancaster, que chez les Hobbits dans cette série. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte s'ouvre avec une sorte de sphère armillaire qui est donc une sphère armillaire, une espèce de soleil comme ça, qui est tout puissant, par lequel on va passer pour accéder à des lentilles qui nous amènent dans différents coins donc de cette carte. Et donc on fond comme un oiseau de proie en traversant cette lentille rotative. C'est un petit peu en quelque sorte l'imagination du spectateur qui est invité à ensemencer cette carte pour faire sourdre le territoire, si on peut dire. Rien que ça. Bah oui, d'une certaine manière. Et je pense que c'est à la fois pédagogique, parce que on sait très bien que tous les amateurs de fantasy le savent, moi-même y compris, c'est que à la fin de chaque bouquin, on trouve la carte en annexe. Et ça fait partie de l'extension. Alors après, il y a les jeux de rôle, les jeux de plateau, etc. Donc ça reste de la fantasy, mais en même temps, on est confronté à une réalité qui est celle d'un univers complètement mécanique, de poulies, d'engrenages, et un mécanisme d'horlogerie, en fait, qui est une manière d'insister, non pas sur la fatalité, sur le destin, je ne crois pas, mais sur la nécessité, sur la causalité, sur le caractère véritablement hyper rationnel qui régit cet univers, parce que toute action aura une conséquence. Et le mariage pourpre, les noces pourpres et sanglantes sont la conséquence précisément d'une action très précise. Alors, venons-y justement. On a commencé cette émission avec les noces pourpres, donc cette scène qui est une des plus violentes, je pense, hein, sans hésiter, des sept saisons, même s'il y a quand même beaucoup de violence, à dessein, parce qu'on va se poser la question aujourd'hui à travers l'examen de différents personnages que vous avez commencé à évoquer, Sam Azoulis, la question de la bonne ou mauvaise utilisation de la violence, d'un point de vue moral, mais pas seulement. Parce que si on parle de la violence comme une vertu, peut-être, c'est qu'on la considère non pas d'un point de vue moral, vous avez bien dit que c'était pas l'enjeu de la série, mais peut-être d'un point de vue politique, ou comme un moyen pour atteindre le pouvoir, ou d'autres choses encore. Je vous propose qu'on prenne un premier extrait. Vous avez parlé de Tyrion, donc c'est le nain de la famille Lannister, qui est un personnage extrêmement sympathique, généralement que tous les spectateurs adorent, et qui, pour manigancer sa place au pouvoir, va appliquer, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, le texte de Machiavel. Machiavel écrit Le Prince, qui s'adresse, comme son nom l'indique, à un prince, donc à un gouvernant, en donnant des conseils absolument dénués de toute forme de morale, pour maintenir sa place au trône, pourrait-on dire. Eh bien, on va entendre le court extrait du texte du prince de Machiavel, et ensuite Tyrion, qui, pour essayer de tester la fidélité des gens qui l'entourent, va raconter trois fois de suite la même histoire à trois personnages, pour en tirer la conclusion adéquate. Un prince s'attire l'estime lorsqu'il est un véritable ami, et un véritable ennemi, c'est-à-dire lorsque, sans crainte, il se découvre en faveur de quelqu'un contre un tiers. Prendre ce parti sera toujours plus utile que demeurer neutre. Un pouvoir ne doit jamais croire que les partis qu'il prend sont sûrs, mais il doit penser que tous ceux qu'il prend sont incertains, car tel est l'ordre des choses. On ne cherche jamais à échapper à un inconvénient sans en encourir un autre. Mais la prudence consiste à savoir connaître la nature des inconvénients et choisir le moins mauvais pour bon. I can trust you, Pycelle, can I not? Why, yes, of course, my lord. These are perilous times, and the crown must forge new alliances. Je peux vous faire confiance, Pycelle, n'est-ce pas? Mais oui, bien entendu, monseigneur. Les temps que nous vivons sont complexes. La couronne doit forger des alliances nouvelles. Et ces alliances devront souvent être scellées par un mariage. Un mariage oui, certes. Je confierai ces considérations au conseil, mais la reine ne doit rien savoir. Je ne veux pas qu'elle se mêle d'affaires qui décideront du futur de ce royaume. Les enjeux sont trop importants. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, je serai muet, monseigneur, telle la tombe. Je négocie une alliance avec la maison Martel de Dorne. La princesse Myrcella épousera le cadet de leur fils lorsqu'il sera majeur. Nous assurons ainsi leur loyauté et leur armée si besoin est. Mais prenez garde, la reine ne doit rien savoir. Oh, la reine ne doit rien savoir. J'adore les conversations qui débutent de cette façon. Je projette de marier la princesse Myrcella Baratheon à Théon Greyjoy. À Théon Greyjoy. Pardonnez-moi, mais comment ? Il a passé toute son enfance à Winterfell. Il se bat aux côtés de Robb Stark. Précisément. Le père de Théon déteste les Stark. Il saura convaincre son fils de passer dans notre camp. Greyjoy pourra détruire l'armée du Nord de l'intérieur et nous aurons les navires de son père à notre disposition. Mais prenez garde. Vous ne devez rien dire à personne. Rien dire à personne. Dire quoi ? Je projette de marier la princesse Myrcella à Robin Arryn du Val. Lysa a peu d'affection pour moi. Mais il se pourrait que la perspective d'une alliance royale puisse la convaincre de jeter l'éponge sur le passé. Elle vous a emprisonné. Elle a tenté de vous exécuter. Et vous offrez à son fils une princesse. Pour les hommes dans notre position, la rancune est le plus souvent un embarras. Qu'en pensez-vous ? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Game of Thrones. Cette semaine, philosopher avec Game of Thrones, les différents dilemmes moraux que cette série propose, en partenariat avec Philosophie Magazine, qui propose un hors-série sur Game of Thrones qui est disponible en kiosque actuellement. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du philosophe Sam Azulis. Et c'est à vous, Sam Azulis, que revient l'honneur, on va dire, de nous expliquer l'extrait qu'on vient d'entendre et le lien avec Machiavel. Absolument. Déjà, c'est un honneur, effectivement, parce que on aime tous beaucoup Tyrion. Enfin, tous ceux qui regardent la série l'adorent. Pourquoi? Mais parce que c'est un homme cultivé, c'est un politique virtuose, c'est quelqu'un qui va conseiller même ses ennemis, comme au début de la série, il conseille Jon Snow, il construit une selle pour le pauvre Bran qui est tombé d'une tour. Je ne dirais pas comment, mais de on manière, l'a déjà dit, mais bon, pour ceux dit, qui nous ont pas voilà. Écouté depuis lundi, préservons leurs oreilles chastes. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui peut agir contre ce qui apparaît être son intérêt immédiat, en tout cas. Et surtout, je pense que ce qui le rend particulièrement attachant et intéressant, passionnant, c'est que précisément, il ne se laisse pas définir par son appartenance communautaire ou tribale ou clanique, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à commettre un parricide, carrément. Il va jusqu'à couper la tête de la maison Lannister, celle de son père. Enfin, il ne lui coupe pas la tête, mais voilà, il le... Ah, c'est moins digne, sa mort. Oui, c'est moins digne. Et un coup d'arbalète sur un autre trône. Voilà, on peut considérer que ce personnage arrive à convertir ses faiblesses en force, et c'est pourquoi il est si attachant, et c'est cette scène, cette séquence qu'on vient d'entendre est tout à fait passionnante, parce que elle illustre parfaitement une leçon qui pourrait être vraiment celle de Machiavel. En l'occurrence, comment savoir qui sont ses vrais ennemis, ses vrais soutiens au sein d'une cour, quand on est soit le prince, en tout cas, lui, il est la main du roi, c'est-à-dire qu'il est l'équivalent d'un premier ministre, et donc c'est lui qui gouverne, en réalité. Donc, que fait-il ? Eh bien, il va appeler différents personnages qui sont des personnages très puissants, le maître Pycelle, qui est donc un vieillard qui a l'apparence d'un Kakoshim un peu sénile, mais qui est en réalité un véritable athlète, on s'en rendra compte dans l'un des épisodes, et qui cache bien son jeu, qui est donc le dépositeur de la foi des dieux qui sont vénérés donc à Port-Réal. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, voilà, je vais marier Myrcella, qui est l'une des filles donc de la reine, je vais la marier à Dorme, avec Tristan, qui est donc un prince, pour des raisons stratégiques. Il refait la même chose avec Varys. Varys, c'est l'eunuque, c'est le conseiller du prince, c'est l'éminence grise, qui est donc aussi un personnage tout à fait fascinant. Et donc, il lui dit, voilà, je vais marier Myrcella, mais cette fois à quelqu'un d'autre, à Theon Greyjoy. Theon Greyjoy, qu'on a vu, qui est le représentant de le prince déchu des îles de fer, une sorte de prince déchu de bâtard, en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Varys, lui, va répliquer, alors que Pycelle, lui, se contente de dire, bon, bah, très bien, je ne dirai rien à la reine. Parce qu'à chaque fois, Tyrion demande à ses interlocuteurs interlocuteur de ne rien dire à la reine. C'est ça, il teste la confiance qu'il peut avoir en eux. C'est un vrai test. Ouais. Absolument, c'est un vrai test. Et ça, Varys, lui, pose des questions, mais finit par s'incliner parce que les raisonnements de Tyrion sont assez justes, toujours justes et fondés. Et finalement, c'est le fameux Little Finger, Petyr Baelish, donc ce personnage absolument sournois et pervers, qui vient voir Tyrion et lui dit « Je vais marier Myrcella à Robert Arryn Duval ». Donc lui est associé à la famille Duval, ça l'intéresse. Tyrion lui fait miroiter peut-être la possibilité d'acquérir des possessions, un titre. Baelish dit « Je ne dirai rien à la reine ». Et effectivement, le résultat de ce test, c'est que Baelish arrive le voir, il est complètement fou, il est fou furieux parce que il a été dupé. Il s'est rendu compte qu'en fait, la fameuse Myrcella irait épouser donc Tristan à Dorme. Donc c'était pas ce qu'on lui avait dit. Il est furieux, mais Tyrion se réjouit parce que en fait Baelish est son ennemi. Varys finalement trouve que c'est une habile stratégie menée par Tyrion, et le maillon faible est démasqué, c'est Maître Pycelle qui a donc divulgué l'information à la reine. Et pour ça, il aura la barbe coupée et il se retrouvera dans un cachot. Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est machiavélien ? Parce que, en fait, Machiavel nous met en garde contre une sorte de une instance suprême, cette instance suprême principielle, il l'appelle Fortuna. Et Fortuna, qu'est-ce que c'est ? C'est à la base la déesse romaine injuste et capricieuse dont la statuette en or devait toujours rester dans la chambre à coucher des empereurs, mais en réalité Fortuna est synonyme du hasard, de la puissance qui dérègle les affects, de la puissance qui engendre les querelles entre les nations, et c'est aussi en quelque sorte la part de notre destin, la nécessité sur laquelle nous n'avons pas de prise. Donc cette vision là elle est tout à fait compatible avec l'univers de Game of Thrones. On parlait d'engrenage, on parlait de nécessité, effectivement on est dans un enchaînement causal, on a l'impression qu'on est complètement perdu. Alors la solution, quelle est-elle ? Machiavel nous en propose une, qui est, la parade serait, pour dompter Fortuna, d'utiliser non pas la vertu, mais la virtu, ce qui est différent. Alors qu'est-ce que c'est que la virtu ? Eh bien, ce que Machiavel appelle la virtu, c'est finalement non pas la franchise, la loyauté, le sens de l'honneur des traditions que représentait Ned Stark, par exemple, mais au contraire une puissance rationnelle de l'esprit, une forme d'intelligence pragmatique qui pourrait se rapprocher de la métisse des anciens Grecs. C'est celle de Ulysse aux mille ruses, c'est la ruse en quelque sorte. Cette ruse doit être, selon Machiavel, virile, parce que, donc d'ailleurs il a des métaphores qui sont assez misogynes. Qui choquent le lecteur d'aujourd'hui, assez il faut choquantes. Prendre la fortune par les voilà. cheveux. Et il faut la mater, ouais. il faut la dompter, c'est une femme qui doit être soumise, et donc c'est l'audace, c'est le courage de passer à l'action, au moment opportun, fameux kairos, le moment opportun, comment le saisir. Donc comment dompter Fortuna ? Eh bien, on en trouve un exemple parfait dans cet épisode. C'est-à-dire que il faut être non pas suspendu, parce que Tyrion c'est un nain très cultivé qui lit énormément, mais ce n'est pas non plus la figure d'un intellectuel qui reste dans sa thébaïde en train de... Non, c'est quelqu'un qui est directement en prise avec le flux du devenir, avec la contingence. Et c'est précisément ce que suggère Machiavel, d'être en prise, le prince doit être en prise avec la contingence. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de préparer la fameuse bataille de la Nera, donc contre les forces de Stannis Baratheon, qui est donc le prétendant, l'un des nombreux prétendants au trône, il est en train de travailler, il a plein de livres d'histoire qui sont autour de lui, et il a ce Bronn, qui est son mercenaire attitré, qui vient le voir et qui lui dit, tout ça c'est bien gentil, mais finalement, moi, j'ai fait arrêter tous les voleurs. Parce que ce qui est dangereux quand il y a une ville en état de siège, c'est que la grande richesse, c'est la nourriture. C'est pas autre chose. Donc, cette vision pragmatique, Tyrion le reconnaît lui-même vraiment. C'est ça qui est important. Et du coup, comment il gère les choses ? Eh bien, en faisant preuve de virtu plutôt que de vertu. C'est là où on voit que la violence peut être une sorte de vertu, ça dépend comment on l'écrit, quoi. Oui, tout à fait, ça dépend comment on l'écrit. Et d'ailleurs, une petite précision à ce sujet, c'est que la vertu elle-même, elle peut, je pense, dans l'univers de Game of Thrones, elle peut avoir différents sens. C'est-à-dire qu'on peut la rapprocher d'une vertu qui serait une vertu classique en philosophie, de cette morale déontologique où on se dit, c'est l'intention qui compte finalement. Ce que je dois faire doit être motivé par une intention noble. Mais quand on se penche sur le système de valeurs qui est le bon système de valeurs qui est déchu, c'est-à-dire que après la mort du roi Baratheon et après la mort de Ned Stark, c'est ce système-là qui périclite et on se retrouve dans le chaos. Mais quel était ce système ? C'était pas un système déontologique, c'est un système basé sur la tradition, sur le sens de l'honneur, sur une vertu qui est plus proche peut-être de la morale aristotélicienne de la vertu. Voilà, alors là, vous répondez sans le savoir, je crois, à l'invité d'hier qui nous a montré, en essayant de résoudre les dilemmes moraux de Game of Thrones, que le personnage de Ned Stark appartiendrait à la famille kantienne, donc d'Emmanuel Kant, c'est-à-dire d'une morale déontologique qui consiste à agir vertueusement quand on suit une maxime jugée bonne. Vous dites non, en fait, il n'y a rien de kantien de déontologique. En fait, ceux qui disent agir moralement agissent selon les traditions, ce qui est très différent. Je pense que c'est un petit peu anachronique. Il y a quelque chose de kantien quand même, parce qu'il y a une forme de rigorisme moral, donc en ce sens, oui. Mmh. Mais je pense que c'est plus aristotélicien que kantien. Pourquoi ? Parce que la vertu aristotélicienne, qui n'est pas du tout la virtu machiavélienne, c'est une forme d'excellence dans la réalisation de son être. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si vous êtes un maître, si vous êtes un souverain, si vous êtes un lord de Game of Thrones, eh bien votre excellence, ce sera de régner et de gouverner et de soumettre. Si vous êtes un esclave, votre excellence, eh bien votre forme d'excellence, ce sera d'être soumis, ce sera d'obéir. De la même manière, si vous êtes une épouse, eh bien ce sera la même chose, ce sera de servir votre mari. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi un personnage comme Ned Stark, qu'on parle de toutes les vertus, va obliger sa fille adorée, Sansa, à épouser un type qui est quand même d'une cruauté et d'une violence inimaginable, à savoir Joffrey Baratheon. Voilà, il va forcer son fils à assister à une exécution, à une décapitation. Autres, absolument. Une dizaine d'années. Donc, c'est pas très kantien, à mon avis. Alors, on va continuer. On a beaucoup de personnages à voir ensemble. On va arriver à Daenerys, Arya, Jaime. J'espère qu'on aura le temps de tous les voir. D'abord, un autre extrait pour rebondir sur celui qu'on vient d'entendre. On a associé Tyrion avec Machiavel. Voici un extrait de Lord Baelish, vous en avez rapidement parlé, vraiment celui qui a beaucoup plus de pouvoir qu'il n'y paraît, qui par ailleurs contrôle le bordel de Port-Réal, hein, où tout le monde vient assouvir son désir sexuel auprès de ses prostituées. Manigance en permanence, on ne peut absolument pas lui faire confiance, il trahit tout le monde. Je vous propose qu'on écoute cet extrait dans lequel il confesse ses manigances, et puis ensuite on écoutera un autre extrait, je vous dis pas encore ce que c'est, vous verrez si la comparaison tient. The king has no true-born sons. Joffrey and Tommen are Jaime Lannister's bastards. So, when the king dies... The throne passes to his brother. Le roi n'a aucun enfant légitime. Joffrey et Tommen sont des bâtards de Jaime Lannister. De sorte que quand le roi mourra... Le trône passera à son frère. Lord Stannis... Oui, à ce qu'il semble. À moins que... Il n'y a pas de « à moins que ». C'est lui l'héritier légitime, rien ne peut changer cela. Il ne peut s'emparer du trône sans votre aide. Vous seriez bien avisé de la lui refuser et de faire en sorte que Joffrey réussisse. Est-ce que vous avez un soupçon d'honneur ? Vous êtes main du roi et protecteur du royaume. Tout le pouvoir est à vous, il vous suffit de tendre la main et de le prendre. Faites la paix avec les Lannister, relâchez le gnome. Mariez votre fille à Joffrey. Nous avons tout le temps pour nous débarrasser de Stannis, et si Joffrey semble devoir causer des problèmes quand il montera sur son trône, nous irons simplement dévoiler son petit secret et installer Lord Renly à sa place. Nous ? Je vous assure qu'il vous faudra quelqu'un pour vous soulager de ses fardeaux. Mon prix resterait fort modique. Ce que vous suggérez, c'est une trahison. Seulement si nous perdons. Il est ignoble ce personnage, dites-vous Sam Azulis, et vous avez bien raison, c'est pour ça qu'il nous fait penser à Iago dans Othello de Shakespeare. Croyez-vous encore à mon attachement pour le mort ? À ta place, je ne resterai pas une heure de plus sous ses ordres. Patience, monsieur. En le servant, je ne sers que moi-même. Voyez tous ces faquins agenouillés qui s'échinent leur vie durant pour une maigre pitance. Se font-ils vieux, on les chasse ? Fouettez-moi ces imbéciles honnêtes. Mais voyez les autres. Sous le masque du dévouement, ils savent cacher leur ambition et préserver leur intérêt personnel jusqu'au jour où, la bourse bien garnie, le manteau bien fourré, fortune faite, ils deviennent leur propre maître. Voilà des hommes ! Je suis de leur nombre, je m'en vante. Le ciel m'en est témoin. Je ne sers le mort ni par amour, ni par devoir, je n'ai soin que de mon propre intérêt. Je ne suis pas ce que je suis. Lord Baelish serait-il un Iago qui s'ignore ou qui se complaît? Au contraire, Sam Azulis, qu'en pensez-vous? Oui, je ne suis pas sûr qu'il s'ignore. Hein. Je pense que tout est très clair dans sa tête, en tout cas. Enfin, c'est la référence à Iago, je ne sais pas s'il l'a en tête. Mais... Oui, je pense que de toutes les façons, évidemment, Martin a été très influencé, il le dit lui-même, par Shakespeare et en particulier les pièces historiques. Ouais. Donc, Iago nous vient tout de suite à l'esprit. Je pense que ce qui est intéressant, surtout si on met en parallèle des personnages comme Tyrion et Baelish Littlefinger, c'est que Baelish aurait tout, a priori, pour être un prince machiavélien redoutable. Il a une ruse, une métisse à toute épreuve. Il ourdit des complots que personne ne soupçonne. Donc finalement, c'est quelqu'un qui sait avancer masqué, qui est conscient de ses limites, de ses forces, qui s'est projeté des illusions. Bref, il a tout l'arsenal. Le problème, c'est que... Et puis, je rappelle au passage aussi, parce que c'est important, que cette histoire de Game of Thrones, l'incident, le véritable incident déclencheur qui n'est pas montré dans la série, c'est lui. C'est-à-dire que c'est Littlefinger qui fait empoisonner Lord Arryn, qui est donc la main du roi Baratheon, par sa femme Lysa. Et donc personne ne le sait, c'est lui qui provoque le chaos. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a a priori donc toutes les capacités, les propriétés du prince machiavélien, mais ce qui lui manque sans doute, c'est le souci de la liberté du peuple et du salut de l'État. Parce que c'est quand même quelque chose d'important et à rappeler. C'est oui, que, on va y venir, oui. Bah oui, c'est que, en fait, le prince œuvre pour garantir la liberté du peuple et le salut de l'État. Donc, même s'il est amoral, même s'il est au-delà ou en deçà, je ne sais pas, du bien et du mal, son souci premier, c'est quand même le bien commun. Et c'est le cas de Tyrion. Ce n'est absolument pas le cas de Littlefinger, qui en fait ne pense qu'à lui-même, qu'à oui, son propre intérêt. Oui, c'est pas un homme politique. C'est pas du tout un homme politique. C'est même, je dirais presque, un nihiliste, dans la mesure où, puisqu'il n'y a pas de morale, puisqu'il n'y a pas de morale absolue pour nous juger, tout est permis. Il peut tout se permettre. Et de ce point de vue-là, il y a cette fameuse discussion qui est culte hein, dans la série entre Baelish et Varys, où ils discutent de leur vision du pouvoir. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Parce qu'ils disent, le jeu de trône, pour eux, en fait, c'est un jeu d'ombre, un théâtre d'ombre. Et c'est une illusion qui est savamment orchestrée, entretenue, qui va perdurer, mais simplement parce qu'on croit en elle. Varys pense que cette illusion est nécessaire, qu'elle est vitale, que c'est le seul rempart possible contre le chaos. Et Littlefinger lui dit que non. Au contraire, lui, il pense que le chaos, c'est très bien. Le chaos, c'est une échelle. C'est ça qui est culte, hein, cette réplique. Le chaos est une échelle, pas un précipice. Et donc, c'est ce qu'il dit dans la saison 3 à Varys. Et effectivement, c'est quelqu'un qui, s'il pouvait être, comme le dit Varys, le roi des cendres, serait le roi d'un royaume en cendres. Mais il s'en fout. Ce que vous dites en creux, Sam Azulis, c'est qu'il y a une morale quand même dans Game of Thrones, une morale politique. Venons-en à Daenerys, ce personnage féminin dont on a, croyez-le ou non, à peine parlé en fait depuis lundi dernier, tellement nous avons eu de sujets à évoquer. Daenerys, alors je vous laisse la présenter, vous le ferez mieux que moi, et puis après on écoutera l'extrait. Oui, je vais la présenter, mais la présenter dans ses contradictions, justement, pour que ce soit un petit peu plus croustillant. Parce que c'est une idéaliste, c'est une femme qui est sensible à la souffrance d'autrui, qui en même temps est prise de liberté, et en même temps est prise de pouvoir. Donc il y a cette contradiction-là, il y a ce paradoxe-là, cette tension qui caractérise le personnage. Et il y a eu des discussions, alors j'ai pas tout suivi, hein, mais je sais qu'il y a eu des discussions de gens qui adorent Daenerys, la mère des dragons, la libératrice donc du continent d'Essos et peut-être bientôt de Westeros. Et l'héritière légitime jusqu'à et présent, c'est elle que doit revenir le trône. Voilà, c'est la fille du roi fou, du roi déchu, Aerys II, je crois, Targaryen. Donc c'est elle et son frère qui va vite trépasser, qui sont les héritiers. Et qui se retrouve donc dans une situation peu enviable, parce qu'en fait, elle est abandonnée de tous, ils vivent un petit peu comme des exilés politiques, sont entretenus, mais personne ne leur accorde véritablement d'importance. Et elle va se forger un destin. Et donc, elle est présentée à la fois comme la libératrice des peuples opprimés, la protectrice des damnés de la terre, en quelque sorte, une sorte de vierge sacrée qui terrasse les puissants, qui substitue à la loi du plus fort ses valeurs humanistes, mais en même temps, on peut la lire totalement autrement. On peut voir Daenerys comme une jeune souveraine inexpérimentée, certes, mais assoiffée de pouvoir, qui engage en fait des peuples qui ne sont pas son propre peuple, qui sont des peuples qu'elle rencontre, dans une croisade qui n'est pas du tout la leur. Et donc, En plus, ce qui est tout à fait marquant, c'est que Essos, c'est un petit peu l'Orient, c'est un petit peu le continent oriental de Game of Thrones, et Westeros, the Western World, c'est l'Occident. Elle habite à Essos. Elle habite à Essos. Ouais, en tout cas, elle y vit. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que est-ce que elle va civiliser ces barbares d'Essos pour ensuite les entraîner à Westeros pour tout détruire. Exactement. Alors voici, vous avez très bien présenté l'enjeu de l'extrait que nous allons désormais écouter. Daenerys arrive dans les villages et, pleine d'idéaux politiques ou de narcissisme, décide de libérer la totalité des esclaves qu'elle croise. Sauf que, un jour, un esclave revient la voir en lui disant « J'étais plus heureux quand je n'étais pas libre ». Écoutez l'extrait. « Nurabrasi Fenez Issa. » Je sais parler en langue commune, si vous le souhaitez. Vous parlez sans le moindre accent. Avant que vous ne m'affranchissiez, j'appartenais à Maître Migdal. J'étais le précepteur de ses enfants. Je leur enseignais les langues et l'histoire. Que puis-je faire pour toi ? Quand vous avez pris la cité, les enfants m'ont supplié de ne pas quitter la maison. Mais Maître Migdal et moi sommes tombés d'accord, je devais partir. Et donc, je n'ai plus de toi. Maintenant, je vis dans la rue. J'ai installé des cantines pour ainsi nourrir les anciens esclaves, des baraques en guise d'abri. Je ne veux pas vous offenser, Votre Majesté. Je suis allé dans tous ces endroits. Les jeunes s'en prennent aux vieux. Ils nous volent, ils nous battent si on leur résiste. Mes immaculés les sécuriseront de nouveau très vite. Je te le promets, mon ami. Même s'ils les sécurisent, quel sera mon statut ? Quelle est ma raison d'être ? À quoi je sers ? Chez mon maître, j'étais un professeur. J'avais le respect et l'amour de ses enfants. Qu'attends-tu de moi, exactement ? Majesté, je souhaite que l'on me laisse me revendre à mon ancien maître Migdal. Tu veux repartir chez un homme propriétaire de toi comme d'une chèvre ou d'une chaise ? Je vous en prie, Majesté. Les jeunes peuvent se réjouir de ce nouveau monde bâti pour eux, mais pour ceux qui sont trop vieux pour s'adapter, ils n'engendrent que crainte et indigence. Je ne suis pas le seul. Ils sont nombreux là-dehors qui attendent pour vous demander la même chose. Je n'ai pas pris cette cité pour asseoir l'injustice que j'ai combattue et éradiquée. J'ai pris la cité de Myrine pour que ses citoyens soient libres. Mais être libre implique que l'on est libre de ses choix. Je t'autorise à signer un accord écrit avec ton ancien maître. Il ne saurait couvrir une période au-delà d'une année. Merci, Votre Majesté. La question qui est posée dans cette scène, Samazuli, c'est au fond assez, cette fois-ci, rousseauiste. Peut-on forcer quelqu'un à être libre ? Oui, tout à fait rousseauiste. On peut penser aussi à Tocqueville ou à la Boétie. Et c'est là, toute la question de la servitude volontaire qui est posée ici. Ce qui est passionnant par rapport à Daenerys, c'est que, alors tout à l'heure on a évoqué cette dualité, ce conflit en elle-même entre le fantasme des néo-conservateurs ou alors la véritable émancipatrice. Et je pense qu'elle est tout à fait honnête. Enfin, la série le montre à plusieurs reprises, étant elle-même une femme au départ, une esclave, une exilée politique. Elle a dû vraiment se forger un destin et lutter contre l'adversité et contre tous ceux qui voulaient la rabaisser. Donc, ce qu'elle a éprouvé et ce qu'elle éprouve, ce sentiment de libération, eh bien finalement, elle veut le transmettre au peuple. Donc, il y a quelque chose de très très très honnête dans tout ça, de très sincère. Elle rejette en bloc un monde qui est profondément inégalitaire. Et ce qu'elle dit à Tyrion, d'ailleurs, ils ont des conversations puisque Tyrion va être amené, je crois que c'est dans la saison 5, hein, il me semble, à devenir la main du roi, en fait, de la reine, la main de la reine. De Khaleesi, donc Daenerys. Et ils ont cette discussion et Tyrion lui dit, mais alors, comment est-ce que vous comptez faire pour changer la règle, finalement, parce que c'est ça, lui, prince machiavélien, qui trouve cet idéaliste complètement déchaîné, lui dit, mais c'est quoi l'idée, la stratégie, là, derrière tout ça, quelle vertu vous allez y utiliser? Et elle lui dit, devant ces engrenages, cette espèce de causalité mécanique, cette grande roue, de l'immanence, moi, ce que je veux faire, c'est pas, je souhaite pas arrêter la roue, je veux la détruire. Je veux la détruire. Elle veut être le grain de sable qui va faire exploser cette immense mécanique du jeu des trônes. Et donc, comment faire ? Eh bien, elle n'est pas si idéaliste et complètement éthérée que ça. parce qu'en fait, elle a une stratégie, elle est très pragmatique, et ce qu'elle veut faire, finalement, c'est assez marxiste. C'est-à-dire que sa vision, c'est comme celle de Marx, je pense, c'est que ce sont les conditions matérielles d'existence qui sont directement responsables de l'esclavage. Donc l'idée, c'est que si vous ne transformez pas l'infrastructure d'une société, c'est-à-dire ses forces productrices, son économie, vous ne pourrez pas changer sa superstructure, c'est-à-dire ses institutions politiques et ses lois. Donc c'est ce qu'elle va s'efforcer de faire, transformer l'infrastructure d'été pour faire émerger quelque chose contre de nouveau. Contre le gré parfois des citoyens. Et c'est ça, et c'est là-dessus qu'elle tombe un peu sur un os, c'est que le problème, et je crois qu'on peut aussi se référer à la problématique du contrat social pour mieux comprendre ça, c'est que en fait, le contrat social suppose effectivement qu'on va répondre à l'injustice par la justice, c'est ce qu'elle fait, mais aussi il suppose que d'une certaine manière on va transférer des droits des citoyens au souverain. Donc il y a même dans l'idée d'un contrat social, il y a l'idée que finalement il va falloir se délester d'une certaine forme de liberté, il va falloir se délester d'une certaine forme d'individualité et elle semble dépassée par les événements parce qu'elle est confrontée à la réalité simplement de la situation. La réalité de la situation, c'est que les anciens esclaves comme Fénès, qu'on a entendu dans l'extrait, veulent retrouver leur maître. Les maîtres comme, alors je suis pas sûr de bien prononcer son nom, je crois que c'est Isdar Zolorak, qui donc veut rouvrir les arènes de la cité, les arènes de combat. Elle va refuser, puis ensuite elle va accepter parce qu'elle a été conseillée par sa principale conseillère, qui est elle-même une ancienne esclave, qu'elle a affranchie. Jorah, qui est son conseiller principal, lui demande de faire plus de clémence envers les maîtres, lui-même ayant été un ancien esclavagiste. Donc tous ces paradoxes, toutes ces tensions vont faire qu'elle va s'assouplir. Et elle va comprendre que sa révolution ne pourra aboutir que si elle la transforme en réforme. Je pense que le passage de Tyrion permet ce subtil glissement vers une autre approche politique. Vous savez quel est le programme des chemins de la philosophie la semaine prochaine ? Je l'ignore. Le contrat social Rousseau. Ça donc merci bien. pour ce teaser, pour cette bande-annonce. Voilà. Extrait suivant, le personnage de Jaime. Alors, Jaime fait partie des Lannister, il est blond, il est beau, il est arrogant, il est criminel, il est absolument sans morale et sans honnêteté dès le premier épisode de la première saison. Mais Jaime va être blessé au combat et va perdre sa main droite. Il va avoir une prothèse à la place de cette main et ce handicap va changer littéralement le personnage de Jaime. Écoutez cette scène bouleversante où il est dans un bain à côté de Brienne, qui est un personnage dont on a déjà un peu parlé depuis lundi, qui est un personnage féminin, une guerrière qui se met au service de quelqu'un qui jure la fidélité à quelqu'un d'autre qu'elle-même et qu'elle va défendre jusqu'au bout. Et cette scène est bouleversante parce qu'on découvre un nouveau Jaime qui se confie à Brienne comme si lui-même était devenu finalement une jeune fille éplorée qui tombe dans les bras de Brienne. C'est ce qui se passe à la fin, écoutez. Seen for 17 years and face after face, you all despise me. Le voilà. Voilà ce regard. Cela fait 17 ans que je la vois apparaître de visage en visage. Vous me méprisez tous. Le régicide. Le parjure. L'homme sans honneur. Brûlez tous, a-t-il dit. Brûlez dans leur lit, brûlez dans leur maison. Dites-moi si votre merveilleux Renly vous avait ordonné de tuer votre propre père et de regarder sans bouger des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants brûlés vifs, lui auriez-vous obéi ? Auriez-vous honoré votre serment alors ? D'abord, j'ai tué le pyromane. Ensuite, lorsque le roi a cherché à s'enfuir, je lui ai planté mon épée dans le dos. C'est alors que Ned Stark m'a trouvé. Si ce que vous dites est juste, pourquoi n'en avoir parlé à personne? Pourquoi n'avoir rien dit à Lord Stark? Stark, vous croyez que l'honorable Ned Stark était disposé à m'entendre? Il m'a jugé coupable à l'instant même où il m'a aperçu. De quel droit? Le loup juge-t-il le lion? De quel droit? À l'aide! Le régicide! Jamie. Je m'appelle Jamie. Jamie, je m'appelle Jamie. Il signe ainsi sa naissance véritable, en fait, Salma Azoulis. La révélation qu'il vient de faire est absolument décisive. Oui, décisive parce que les masques qui recouvrent les visages des différents protagonistes de cette affaire ne dissimulent pas toujours un visage hideux. Et en l'occurrence, c'est ce masque grimaçant du chevalier arrogant qui est toujours véritablement moqueur et qui voit la laideur partout, en fait, la laideur morale chez tout le monde et qui taquine tout le monde, qui va se révéler être un être d'une grande sensibilité. Et tout l'enjeu de cette scène, c'est précisément la découverte de sa véritable identité, qu'il avait dissimulée et qu'il avait dissimulée à tout le monde, y compris à lui-même. Et c'est ça qui est sublime dans cette scène. Et qui est morale, si on reprend ce terme. Et j'irai même plus loin. C'est que le seul véritable Kantien. C'est lui? Ouais. Dans cette série. En fait, si on y pense à Westeros. Parce que, bon, Daenerys est quand même assez radical dans ses principes. Mais à Westeros, le seul véritable Kantien, je pense que c'est lui. Parce que revenons un petit peu sur ce qu'il dit. Enfin, un Kantien n'aurait pas jeté un enfant par la fenêtre. Non, certes. Mais enfin, il l'a été, en tout cas, à un moment crucial et décisif de l'histoire de Westeros. Et à ce moment, revenons-y, c'est quand le roi fou donc était assiégé de toutes parts et que lui-même était au service, donc il était le chef de la garde du roi, et au lieu de protéger le roi fou, quand il a appris que le tyran voulait, à la manière de Néron, incendier Port-Réal et tuer tout le monde, il lui a enfoncé une épée dans le dos. Et sauvant par là les milliers de personnes qui entouraient le roi. Sauvant les milliers de personnes. Et du coup, sa réputation n'a été incroyablement ternie. Il a été considéré comme un parjure, puisqu'il avait juré serment de le protéger, comme un régicide, comme un monstre implacable, dénué de tout sens de l'honneur. Alors qu'en réalité, cet acte était un acte réellement motivé simplement par son intention de faire le bien et de préserver le bien commun. Et c'est pas conséquentialiste comme approche, parce que les conséquences, c'est qu'il a été détesté par tout le monde, et il le savait qu'il serait détesté. Mais en fait, il l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire, parce que c'était bien. Donc, oui, pas Kantien dans l'absolu, mais Kantien, on peut pas trop leur en demander non plus. Non, ou alors on peut dire que les actes mauvais qu'il commet après sont plutôt une façon de ne pas digérer l'acte vertueux qu'il paye quotidiennement. Exactement. Parce que vous le dites très bien, sa réputation, elle est détruite, tout le monde le déteste. Et il porte ce masque, en fait. Ce masque qui lui fait, en fait, éprouver une rancœur, un ressentiment absolu. La perte de sa main va complètement faire tomber ce masque. Pourquoi ? Parce que ce masque, c'est quelque chose de classique qu'on retrouve chez tous les bons scénaristes américains, c'est-à-dire qu'on passe de ce qu'on appelle l'identité, le masque social, à l'essence, qui est ce qui caractérise véritablement le personnage. Et là, ce que Martin fait est génial, puisque comment il se définit lui-même comme un épéiste de génie, comme un épéiste redoutable, un bretteur de grands talents, virtuose, et c'est ça son identité. Mais en fait, son identité tombe lorsque sa main est coupée, puisque c'est sa main d'épéiste, sa main qui tient l'épée qui tombe. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste cette blessure. Et cette blessure qu'il avoue à cette femme, qui est donc une inversion totale donc du cliché. C'est lui, la damsel in distress, ouais. Là. Elle est immense, elle est musclée. Baraquée, etc. Ouais. Et en même temps, elle aussi, elle a souffert. C'est intéressant, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la manière dont les femmes étaient traitées dans la série, etc. Vous en avez sans doute parlé de ça, mais c'est vrai que Brienne, elle est aussi quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui est devenue ce qu'elle est par défaut, parce qu'elle a été considérée, enfin, je ne vais pas revenir sur son histoire, mais tout le monde, lors de cette sorte de noce qui avait été organisée par son père, on lui a fait croire qu'il la courtisait, alors qu'en fait, il la trouvait extrêmement laide et se sont moqués d'elle. Et donc, c'est un prince Tyrell, homosexuel, qui est venu danser avec elle. Et après ça, elle s'est dit, je ne pourrai jamais être aimée. Elle est devenue une guerrière. Donc, c'est par défaut, en quelque sorte. C'est là que le jeu sur le genre qu'entretient Martin est vraiment très subtil. Beaucoup plus qu'on ne pourrait ne penser. Et là, précisément, cette scène en est un exemple parfait, puisque c'est elle qui va l'amener, en quelque sorte, à avouer, à reconnaître sa véritable essence, ce qu'il est véritablement. C'est pas un salaud, c'est au contraire quelqu'un qui est extraordinairement courageux et qui a cette lucidité qu'il partage avec son frère Tyrone, puisque tous les deux ont cette même lucidité, cette même empathie, en fait, mais lui, il a complètement masqué. Donc ça, c'est passionnant, et je crois que ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on retrouve à travers la figure du handicap, parce que les handicapés ou les personnes qui ont des problèmes sont légion dans cette série, et on retrouve des scènes aussi fortes. Par exemple, je pense à la scène entre, comment s'appelle-t-il, Davos. Vous savez, Davos qui est donc éduqué, qui est un analphabète, qui va être éduqué par cette petite fille lépreuse, qui plus tard, malheureusement, ça sera sacrifié, et qui devient un adulte, qui devient, il dit lui-même, une grande personne, parce que quelqu'un lui a donné la connaissance, le savoir. Et l'analphabétisme aussi peut être considéré comme une autre forme de handicap. Donc cette série est très riche par rapport à cette thématique. Le handicap permet toujours de se confronter à la complexité du vivant, à sa, quand Guilhem dirait, sa l'habilité, c'est-à-dire sa souplesse, sa flexibilité. Sa labilité, c'est-à-dire que effectivement, il y a des processus compensatoires, il y a des processus autoréparateurs, et c'est ce que nous montre. C'est pour ça que les personnages sont tellement vivants, tellement incarnés. C'est qu'ils nous montrent ça, Martine, à travers ce handicap qui devient un outil spirituel pour se défaire des préjugés et pour finalement accéder à l'altérité. Il nous reste moins d'une minute, Samazulis. Bon. Et il y a plein de choses qu'on n'aura pas évoquées. Oui. Je voudrais quand même qu'on prononce le mot et avoir votre sentiment là-dessus, les marcheurs blancs. Aha. Les marcheurs blancs, c'est en fait le véritable ennemi de tous ces hommes qui sont en train de s'entretuer pour avoir le pouvoir. Les marcheurs blancs sont de l'autre côté du mur, vers le nord, et ils sont en train d'envahir le territoire des êtres humains au moment où se termine la saison 7. Donc on verra lundi prochain qu'il y a la saison 8. Mais l'ennemi, il est là et personne ne le voit, enfin personne ne le croit. Enfin, ils commencent un petit peu à y croire, hein, parce qu'ils en ont capturé un et puis ils l'ont montré. Et donc ils sont aperçus que c'était relativement dangereux, même s'il était tout seul dans sa petite cage. L'idée, en fait... C'est des morts vivants, hein, des zombies. Oui, c'est une sorte de zombies du froid, venus du froid, qui ont des pouvoirs magiques et qui paraissent totalement inhumains. C'est-à-dire absolument dénué de toute compassion. Cependant, et c'est ce qui est intéressant, parce qu'on y voit évidemment la grande métaphore du changement climatique qui nous menace tous, et puis l'irresponsabilité, l'inconscience absolue dans laquelle on se trouve aujourd'hui par rapport aux différents dirigeants qui, bon, a priori, n'en ont véritablement pas cure. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que va faire Martine de ces figures de l'altérité? Est-ce que, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a un roi des marcheurs blancs. Donc, est-ce qu'ils vont être incarnés? Est-ce qu'ils vont devenir des personnages? Est-ce qu'ils vont rester une altérité tout autre, absolument tout autre? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le fait que ça aussi nous ramène à la question du fanatisme, dont on n'aura pas le temps de parler, mais qui est relié à toute cette crainte apocalyptique et comment on la manipule. Merci beaucoup, Samazulis. Voilà. Philosophie avec Game of Thrones, c'est votre ouvrage aux éditions Ellipse. On se quitte avec une chanson qui est en référence avec la phrase que vous avez prononcée, le chaos. Et une échelle? Oui, une échelle. The Ladder, c'est le titre de la chanson que vous allez entendre maintenant. Do you know what the realm is? It's the thousand blades of Aegon's enemies. A story we agree to tell each other over and over till we forget that it's a lie. But what do we have left once we abandon the lie? Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. The rain came upon us, we played the corners. Like Richard Sherman, the best, I'm still learning. Scriptures turning pages, pictures burning rages. Outrageous, the big world, the stage is set. Threats coming from different ages. Death is ages, life is dangerous. Change is the only thing guaranteed. I ain't afraid of the ops, cause I know they bleed. Just like us, in the seven kingdoms ain't nobody righteous. A massacre at the red wedding, a lifeless. Laid on the ground, now who wears the crown? A rope tied around by the power we bound. Sound the trumpets, I got soldiers by the hundreds. We all want it with our eyes on the summit. Chaos is a ladder and some fall from it. Some get tall from it, high like they all blunt it. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous donne quelques nouvelles de John Rawls. Philosophe américain, né en 1921 et mort en 2002, il a laissé une contribution majeure à la réflexion politique, sa théorie de la justice. Publié en 1971 aux États-Unis, 16 ans plus tard, en 1987 en France, en pleine guerre du Vietnam et des mouvements civiques américains, cette théorie et son auteur, Rawls, sont alors devenus des références incontournables en philosophie mais aussi en politique. Avec lui se sont en effet reposées les questions classiques de ce qui fonde une société juste. Qu'est-ce que la justice? Est-ce une égalité stricto sensu ou une équité des conditions? En vertu de quels critères, matériels, économiques, politiques, mais aussi intellectuels et éducatifs, les citoyens peuvent-ils vivre à égalité? Et surtout, quel contrat faut-il imaginer afin que l'équité soit effective entre les membres d'une société dont les visions et les intérêts divergent? Hasard de calendrier, convergence inconsciente de la recherche ou véritable ère du temps politique, trois livres tout juste parus soulèvent à nouveau ces questions et mobilisent, travaillent, questionnent la théorie du philosophe américain. Parmi ceux-là, il y a l'essentiel ouvrage de Catherine Audard, traductrice de Rawls, « La démocratie et la raison, actualité de John Rawls », qui est paru aux éditions Grasset. Actualité de Rawls, c'est peu de le dire, tant la question qu'il pose de la justice et de l'égalité dans le cadre d'une société multiculturelle est d'une brûlante pertinence aujourd'hui, tout comme l'expérience de pensée qu'il avait imaginée pour justement dégager ces conditions de vie égalitaires avec lesquelles chaque individu serait d'accord, le voile d'ignorance, et qu'a justement convoqué un député québécois, Gabriel Nadeau-Dubois, en mai dernier. Ministre, c'est comme moi que ce que fait John Rawls, c'est une expérience de pensée, hein? C'est pour ça qu'on le connaît beaucoup, l'expérience de pensée du voile d'ignorance ou de la position originelle, et c'est un outil philosophique que John Rawls utilise pour réfléchir à ce qui est juste et ce qui est injuste. Il cherche comme ça à définir les injustices. Et pour identifier les injustices sociales, John Rawls, donc, invente cette expérience de pensée, cette mise en situation théorique, philosophique, où il nous dit, ben, pour savoir ce qui est juste et injuste, il faut s'imaginer des citoyens, des citoyennes rationnelles, mais placés dans une position d'ignorance quant à leur position réelle dans la société. Diagnostic d'une fragilité de la culture politique, solution sous forme d'un idéal d'équité qui traite chacun de manière égale sans laisser personne à la traîne, mais d'abord métaphore centrale d'une position originelle, le voile d'ignorance donc, dans laquelle chacun aurait à choisir des principes de justice sociale sans connaître sa situation socio-économico-politique et en faisant seulement appel à sa raison, ce sont les trois temps forts de la pensée de John Rawls. Mais une chose est de nommer ces trois choses, une autre de les comprendre puis de les utiliser. Comment alors s'en servir aujourd'hui au-delà du contexte des Trente Glorieuses dans lequel a rédigé John Rawls? Comment les comprendre pour ensuite les utiliser? Illustration avec la suite de l'intervention de Gabriel Nadeau-Dubois qui a interpellé le ministre québécois de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, en pleine commission de l'économie et du travail. Est-ce que le ministre croit que dans une telle situation, des citoyens, des citoyennes libres choisiraient, placés sous le voile d'ignorance, de vivre avec un peu plus de 400 $ par mois? Parce qu'en vertu de la loi qui l'a pilotée, du projet de loi 70, une personne qui subirait trois pénalités en vertu du programme Objectif emploi devrait survivre avec à peine plus de 400 $ par mois. Alors, ma question pour le ministre est très simple. Est-ce que placé sous le voile d'ignorance, devant décider de ce qui est juste et injuste, est-ce que le ministre de la Solidarité sociale jugerait qu'il est juste qu'une personne survive en fait, avec à peine plus de 400 $ par mois? Dans son ouvrage, Catherine Audard accorde une large place à cette position originelle comme lieu de pensée où chacun est appelé à revêtir ce voile d'ignorance pour mieux accoucher de principes de justice. Et cet extrait en témoigne, il y a une force opératoire de cette expérience de pensée, au-delà du contexte de rédaction de Rawls, au-delà des problématiques contemporaines qu'il connaissait. Faites-en vous-même l'expérience. Si vous ne saviez rien aujourd'hui de vous, quel choix rationnel, raisonnable et libre feriez-vous pour ne pas être soumis à l'arbitraire du destin ? Dans un autre livre tout juste paru sur John Rawls, La gauche américaine en France sur la réception de Rawls et des théories de la justice, Mathieu Hochkorn suit la diffusion de la pensée rawlsienne en France, dans les cercles académiques et comme affirmation d'une gauche américaine non marxiste. On y voit comment la lecture de sa théorie a été tributaire du contexte idéologique. Mais ce faisant, apparaît également une plasticité des concepts de John Rawls. De là, à y voir une force d'adaptation de ses thèses et une application encore possible, il n'y a qu'un pas. Et pour découvrir tous les concepts de John Rawls, vous pouvez donc lire « La démocratie et la raison » de Catherine Audard, c'est paru aux éditions Grasset, « La gauche américaine en France » de Mathieu Hochkorn, c'est aux éditions du CNRS, et puis je n'en ai pas parlé, mais « La division du travail revisité vers une théorie sociologique de la justice », c'est aux éditions du Bordelot, et c'est par Anne Rawls, la fille de John Rawls. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Colomba Grossi, Isis Jourda, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Lise Combe qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nicolas Slimani. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Game of Thrones en partenariat avec Philosophie Magazine. Demain, nous serons en compagnie de Nicolas Allard et on se posera une question que s'était posée à son tour Vladimir Jankélévitch. L'aventure, est-ce une question de vie ou de mort? Réponse demain avec Game of Thrones. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que celle diffusée depuis lundi sur ce même thème, c'est très simple, hein, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, devant votre écran, pourquoi pas. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h précise. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.